Bonjour, amis poissons, ascendant poissons, bienvenue dans votre tirage pour vos amours du mois de décembre, donc 2023. Quel va être le message de l'oracle de Béline ou peut-être le petit conseil? On va voir cela ensemble. C'est parti. Ouh là là, la coupe. Alors, regardez-moi ça. Elle est magnifique, cette coupe. Il s'agit du plaisir, du désir, de l'amour. Donc, on a Vénus, planète d'amour, avec la carte du plaisir. Donc, de l'épanouissement sensuel aussi. Et de la pyramide à haute élévation, avec le soleil qui est pleinement rayonnant. Donc, je dirais que normalement, les fêtes de fin d'année vont être assez fabuleuses pour votre vie sentimentale. Maintenant, on va voir. Hein. On va voir le reste du tirage, parce que parfois... Ça ne va pas dans le même sens, mais la coupe, elle colore le jeu. Bon, déjà, là, c'est bon. Ouf. Bah, écoutez, vous avez un des meilleurs tirages, je crois, de ce mois. Vous, les poissons, je pense que c'est le meilleur de tous ceux que j'ai fait, il me semble. Hein. C'est le dernier tirage que je fais aujourd'hui. On est fin novembre. Et j'ai l'impression que c'est vous qui avez le meilleur de tous les signes. Donc, c'est pour décembre. Il y a, donc, on a une coupe formidable qui parle de grand épanouissement affectif, amoureux et sensuel. Et on a dans le tirage, ben vous allez être vraiment pleinement amoureux. Alors, à la fois, il y aura beaucoup d'ardeur et de passion dans vos rapports, de jeunesse, d'envie. Et à la fois beaucoup d'harmonie et d'équilibre. Donc, par rapport à cela, eh bien, voilà, c'est une période, je dirais, de grâce, une période de cadeau. L'autre, vous allez être très généreux l'un envers l'autre. Et puis, il y a de cette période ben, de Noël qui vous fait beaucoup de bien, qui vous rapproche, qui vous unit, qui ramène la symbiose entre vous et qui vous permette de redémarrer un nouveau cycle dans le grand bonheur. Il y a beaucoup de lumière aussi et de clarté dans vos relations. Donc ça, c'est bien. Moi, je dirais que bon ben, il y a des poissons qui vont faire un enfant également ou apprendre qu'ils vont être père ou mère. Si votre couple n'allait pas bien, là, je ne sais pas quoi vous dire parce que normalement, ben, c'est le gros changement et c'est les pleines réconciliations. Donc sans aucune plus aucune ombre au tableau et donc si votre couple allait bien, vous passez à une étape supérieure, ça c'est évident, dans la joie. Alors vous êtes célibataire, ami poisson, moi je suis désolée, mais là parfois on me dit oui mais tu vas annoncer à tout le monde une rencontre, et eh bien c'est pas du tout le cas, vous pouvez regarder les autres signes de ce mois de décembre et les autres mois, ce que j'ai annoncé, je n'annonce pas de rencontre quand ça n'est pas le cas, mais ici, là, je peux vous l'annoncer. Alors, vraiment, les poissons, normalement, il y a une rencontre amoureuse qui va se faire d'ici la fin décembre. Donc, mettez toutes les chances de votre côté, croyez-y, c'est avec une personne avec qui vous allez être, vous allez vous entendre très facilement. C'est quelqu'un qui a envie de donner, c'est quelqu'un qui est un peu dans votre situation ou fraîchement ou divorcé depuis, j'allais dire fraîchement, mais je suis pas sûre, ça peut être depuis un moment, parce que ou quelqu'un qui est célibataire, hein, c'est quelqu'un qui a besoin, qui a envie d'être en couple depuis un moment comme vous, et vous allez, ces deux manques en fait vont se rejoindre. Alors, on n'est pas là pour combler les manques l'un de l'autre, mais malgré tout, il va y avoir ce besoin de s'apporter du bonheur l'un à l'autre. Et ça, ça va être très, très important pour cette rencontre, ce couple-là que vous pouvez former, qui représente vraiment un nouveau départ affectif pour vous. En tout cas, je vous le souhaite et je vous souhaite un beau mois de décembre.